Louise Éléonore de Varan était une demoiselle de la Tour de Pile, noble et ancienne famille de Vevey, ville du pays de Vaud. Elle avait épousé fort jeune M. de Varan de la maison de Louise, fils aîné de M. de Villardin de Lausanne. Ce mariage, qui ne produisit point d'enfant, n'ayant pas trop réussi, Mme de Varan, poussée par quelques chagrins domestiques, prit le temps que le roi Victor Amédée était à Évian pour passer le lac et venir se jeter aux pieds de ce prince, abandonnant ainsi son mari, sa famille et son pays, par une étourderie assez semblable à la mienne, et qu'elle a eu tout le temps de pleurer aussi. Le roi, qui aimait à faire le zélé catholique, l'a pris sous sa protection, lui donna une pension de 1500 livres de Piémont, ce qui était beaucoup pour un prince aussi peu prodigue. Et, voyant que sur cet accueil, on l'en croyait amoureux, il l'envoya à Annecy, escorté par un détachement de ses gardes, où, sous la direction de Michel Gabriel de Bernex, évêque titulaire de Genève, elle fit abjuration au couvent de la Visitation. Il y avait 6 ans qu'elle y était quand j'y vins. Elle en avait alors 28, étant née avec le siècle. Elle avait de ces beautés qui se conservent parce qu'elles sont plus dans la physionomie que dans les traits. Aussi, la sienne était-elle encore dans son tout premier éclat. Elle avait un air caressant et tendre, un regard très doux, un sourire angélique, une bouche à la mesure de la mienne, des cheveux cendrés d'une beauté peu commune et auxquels elle donnait un tour négligé qui la rendait très piquante. Elle était petite de stature, courte même, et ramassée un peu dans sa taille, quoique sans difformité. Mais il était impossible de voir une plus belle tête, un plus beau sein, de plus belles mains et de plus beaux bras.